Un soldat s'approcha du tas de foin. Il vit la chatte et donna un coup de baïonnette dans le foin avec négligence et en haussant les épaules, comme s'il sentait que sa précaution était ridicule. Rien ne remua, et le visage de l'enfant ne trahit pas la plus légère émotion. L'adjudant et sa troupe se donnaient au diable. Déjà, ils regardaient sérieusement du côté de la plaine, comme disposés à s'en retourner par où ils étaient venus, quand leur chef, convaincu que les menaces ne produiraient aucune impression sur le fils de Falcone, voulut faire un dernier effort et tenter le pouvoir des caresses et des présents. « Petit cousin, dit-il, tu me parais un gaillard bien éveillé. Tu iras loin. Mais tu joues un vilain jeu avec moi. Et si je ne craignais de faire de la peine à mon cousin Matteo, le diable m'emporte, je t'emmènerais avec moi. Bah. Mais, quand mon cousin sera revenu, je lui conterai l'affaire. Et pour ta peine d'avoir menti, il te donnera le fouet jusqu'au sang. Savoir. Tu verras. Mais, tiens, sois brave garçon, et je te donnerai quelque chose. Moi, mon cousin, je vous donnerai un avis. C'est que si vous tardez davantage, le Janet sera dans le maquis, et alors, il faudra plus d'un luron comme vous pour aller l'y chercher. » L'adjudant tira de sa poche une montre d'argent qui valait bien 10 écus, et, remarquant que les yeux du petit Fortunato étincelaient en la regardant, il lui dit en tenant la montre suspendue au bout de sa chaîne d'acier. « Fripon, tu voudrais bien avoir une montre comme celle-ci suspendue à ton col, et tu te promènerais dans les rues de Porto Vecchio, fier comme un paon, et les gens te demanderaient « Quelle heure est-il » et tu leur dirais « Regardez à ma montre. Quand je serai grand, mon oncle le caporal me donnera une montre. Oui, mais le fils de ton oncle en a déjà une, pas aussi belle que celle-ci, à la vérité. Cependant, il est plus jeune que toi. » L'enfant soupira. « Eh bien, la veux-tu cette montre, petit cousin ?» Fortunato, lorgnant la montre du coin de l'œil, ressemblait à un chat qui l'on présente un poulet tout entier. Comme il sent qu'on se moque de lui, il n'ose y porter la griffe, et de temps en temps, il détournait les yeux pour ne pas s'exposer à succomber à la tentation. Mais il se lèche les babines à tout moment, et il a l'air de dire à son maître que votre plaisanterie est cruelle. Cependant, l'adjudant Gambe semblait de bonne foi en présentant sa montre. Fortunato n'avança pas la main, mais il lui dit avec un sourire amer « Pourquoi vous moquez-vous de moi ?»« Pardieu, je ne me moque pas. Dis-moi seulement où est Gianetto, et cette montre est à toi. » Fortunato laissa échapper un sourire d'incrédulité, et fixant ses yeux noirs sur ceux de l'adjudant, il s'efforçait d'y lire la foi qu'il devait avoir en ses paroles. « Que je perde mon épaulette !» s'écria l'adjudant. « Si je ne te donne pas la montre à cette condition. Des camarades sont témoins, et je ne puis m'en dédire. » En parlant ainsi, il approchait toujours la montre, tant qu'elle touchait presque la joue pâle de l'enfant. Celui-ci montrait bien sur sa figure le combat que se livrait en son âme la convoitise et le respect dû à l'hospitalité. Sa poitrine nue se soulevait avec force, et il semblait prêt d'étouffer. Cependant, la montre oscillait, tournait, et quelquefois lui heurtait le bout du nez. Enfin, peu à peu, sa main droite s'éleva vers la montre. Le bout de ses doigts la toucha, et elle pesait tout entière dans sa main, sans que l'adjudant lâchât pourtant le bout de la chaîne. Le cadran était azuré. La boîte, nouvellement fourbie, au soleil, elle paraissait toute de feu. La tentation était trop forte.